fait l'objet d'aucune rumeur, aucune prophétie. J'ai accordé à mes démons un peu trop d'estime. Ma chute se fera de manière progressive. Toute ma vie j'ai suivi le mauvais objectif. D'horribles souvenirs me pourrissent la tête. Même mes proches n'hésitent plus à prédire ma perte. Je n'ai jamais eu d'apprentissage. Je suis un boxeur aveugle avec une garde infranchissable. Y'a pas d'endroit où toutes les blessures guérissent. Je n'ai pas choisi d'avoir à subir ce périple. Qu'on balance mon exécution sur la toile. Une cicatrice est plus efficace qu'un tatouage. Nos légendes se sont forgées en pleine tempête. J'ai les chances d'un seul homme contre une centaine. Je prends sur moi d'avoir un destin merdique. Je suis prêt à jouer la partition interdite. Je ne peux vraiment pas être fier de ma trajectoire. Je suis né sous un ciel qui n'a pas d'étoiles. Ce labyrinthe est un guépier, autant l'admettre. Et chaque jour je m'en vais défier le camp adverse. Persuadé que ma cause est une baliverne. Je n'attends pas que la lumière se manifeste. Mes angoisses les plus fortes ne me font plus d'effet. J'ai appris à me trouver dans une brume épaisse. On peut lire un tas de choses sur mon faciès. Je suis pas du genre à me jeter d'un gratte-ciel. Le pardon éternel, on en est tous indignes. Je connais les ténèbres et ce qu'elles nous infligent. Je vais prêcher pour ma propre paroisse. Tout est fait de noirceur et désarroi. J'accepte l'idée que l'espoir est une saloperie. Et je me pointe avec le style de Gustavo Fring. Pas fait pour accomplir des choses admirables. Le créateur ne m'offrira pas de miracle. Toute l'histoire est inexacte. Nous avions perdu cette guerre avant même d'avoir pris les armes. Il est vrai que certaines batailles furent marquantes. Mais j'ai marché sur des charbons bien plus ardents. La colère restera ma plus grande confidente. Je refuse de me fier à la providence. Je ne suis pas sûr que la paix me soit bénéfique. La colombe n'est qu'une vieille droguée squelettique. On m'a prouvé que la nature était sélective. Et que les grands hommes tombent aussi vite que les petits. Mes plans les plus solides ont été déjoués. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir échoué. La solitude deviendra mon unique partisane. Vous êtes entré dans le purgatoire d'Artigan.